opposé à M. Sabourin qui dit qu'on ne peut pas accéder au supramental sans contact avec un éveillé. Il défend ça. Oui, mais regardez ici, là, c'était comme ça. Ça se répandait comme une maladie par contagion. Il vient d'où le premier éveillé? Il est devenu éveillé comment? Je veux dire, sinon, il n'y aurait personne d'éveillé, là. Parce qu'il faut que ça suive une ligne, une chaîne. Prenez Bernard, là, en 69, il a vécu un des gros chocs. Souffrant. L'enfer. Ça, c'est, ça engendre des choses. Là. Il y a des forces qui descendent. Pas besoin de là, c'est pas juste des contacts horizontaux. Là. Monsieur Sabourin, là, c'est certain que lui, bon, il prêche pour sa paroisse dans le sens que lui, il fait payer pour sa vibration. Dans le sens au niveau individuel. Donc, c'est correct qu'il dise ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être qu'il pense ça aussi. Mais lui-même, quand il était avec sa conjointe dans ce temps-là, puis qu'il voyait Bernard parler sur le canal Vidéotron, puis que là, il regarde sa blonde, puis il dit « Ah, c'est de ça que je parle, c'est de ça que je parle. » Y avait-tu eu un contact, lui, avec un éveillé pour savoir que c'est de ça qu'il parlait? Pensez-vous que ça se répand par contagion comme une maladie? Les gros chocs de vie qui finissent par être intégrés parce que l'être humain est en mutation, l'être humain n'a pas le choix de sortir de l'involution à un moment donné parce que c'est des lois cycliques. Pensez-vous que ça se fait avec des contacts sociaux? Que c'est un phénomène social, l'éveil? Calice, le Christ, à un moment donné, là. Moi, j'avais déjà parlé de ça par écrit, puis pouf, il n'y avait plus de son, plus d'image. N'est pas capable de me répondre là-dessus parce qu'il y a là quelque chose de paradoxal qui ne se tient pas. Si c'est la seule façon, pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain mépris pour le monde, dans le sens qu'il pense que vous n'êtes pas capable, que le monde à qui il s'adresse, c'est des niaiseux. Quelque part, il y a quelque chose de ça. Ben, à un moment donné, Christ, il faut lâcher la dominance puis aimer le monde. Il faut aimer le monde pour être objectif quand on parle. À un moment donné, ça va faire, là. C'est peut-être pour rien qu'il y a des automatismes. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des programmes, justement, genre ponctuer ces phrases. Voyez-vous? Moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai jamais eu affaire à lui longtemps en personne, même si c'était juste par Skype. Je vais me choquer, calice. Bon. Je vais arrêter, là, parce que tu sais, c'est pas de mes affaires, dans le fond. Puis je l'aime bien, lui, là. C'est un bon bonhomme. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ben,